de fresques, d'hôtels. De tableaux. Et je vois deux tableaux également. Oui. Il y a une superbe toile, l'adoration de bergers, qui a superbement bien restauré. Et donc tout ça, on peut le voir sur le site internet, le fameux Christ qu'on parlait juste avant. La statue de l'hôtel de Marie, la statue également. J'ai vu un petit peu plus haut la statue qui a été restaurée, l'hôtel de Marie. Le site est très très bien fait. Vous avez les avant et les après. C'est sympa. Il y a de belles petites pépites. Bravo encore une fois. Ouais, merci. C'est beau ce que vous faites. Vous allez vivre dedans. Ouais. C'est ma deuxième maison, comme le dit Monsieur le Maire. C'est une grande maison. Il faut dire que j'ai passé des heures et des heures. Ah bah, je vous crois. Le fait que ce soit inscrit au monument historique, vous arrivez quand même à avoir des aides. De l'argent, des aides. Ça, est-ce que ça y contribue? Alors, l'inscription, ça aide beaucoup les communes, par contre. Parce que quand la mairie veut faire des travaux, grâce à l'inscription, on a des subventions. Oui. Voilà, des subventions. Chose que l'association n'a pas. Mmh. Non. Ah, vous n'avez rien du tout? Non. Pourtant, ça reste, c'est quand même du patrimoine, c'est de la culture. Parce que ce sont les murs, que ça appartient à la mairie. Donc là, ça va à la mairie. Voilà. Ça aurait été autre chose, éventuellement, du mobilier, par exemple. Alors, là, c'est vous. Si admettons, la mairie avait, comme par exemple les boiseries qu'on a restaurées l'année dernière, j'ai encore pas mis sur le site la restauration. Okay. Si la commune l'avait pris à sa charge, la restauration, il n'y a pas de subvention pour ça. D'accord. Parce que c'est un mobilier. Et donc c'est pour ça que l'association l'a pris elle en charge. Et donc on a eu des fonds qui venaient donc de particuliers, de la fondation du Crédit Agricole, qui aide les associations dans ce sens pour aider justement. Et donc on a réussi du coup à faire encore une belle restauration. Vous avez d'autres défis qui vous attendent dans ce beau lieu? Alors il y en a énormément encore, bien évidemment, parce que comme je le disais, il y a encore des statuaires qui sont abîmés, qu'il faudra voir également à les refaire. Mais le gros projet prochain, c'est un bénitier. Un bénitier d'origine de l'église également, donc un bénitier du XVIe siècle. Là, en étain. Qui est en pierre. En pierre. Ah, oui. En pierre, en fait, il était caché, me semble-t-il, non? La même chose que l'autel d'origine, ainsi que la niche, la double niche liturgique que tu as sur le site, qui était, elle, enfermée. Donc le bénitier et la niche, ils étaient clos. C'est moi qui les ai réouvertes, qui a enlevé, qui a creusé et qui a redécouvert vers ce qu'il y avait derrière. Par contre, le bénitier, lui, a été cassé. Il était caché. Et cassé. Voilà. Il a été cassé pendant les guerres de religion. Mais conservé. C'est ça qui est bien, c'est que les morceaux ont été. Ils ont été mis dedans. Ils ont bouché le trou par-dessus. Ça va. Et au moins, oui. Bon. Il y a moyen de faire quelque chose. Nous, on pensait qu'avec les morceaux, on pourrait le recoller, parce que maintenant les compagnons ils font des choses extraordinaires, les tailleurs de pierre et ainsi de suite. Donc j'ai fait venir un spécialiste, encore une fois, quelqu'un qui travaille la pierre, qui est habilité à venir, mais qui m'a expliqué que il y avait bien sûr des beaux morceaux, mais du manque, et donc c'était pas possible. Donc il va reprendre lui les moulures, refaire les mêmes. Il va reprendre la même nature de pierre. Donc il m'a expliqué que ces pierres venaient d'une carrière à côté de Paris, vu le type, le grès dedans, parce que quand on regarde les morceaux de ce bénitier, il y a des petits coquillages dedans. Et il me dit que justement, c'est typique de cette carrière à Donc du bassin près, parisien. Ouais, du bassin parisien. Et donc, il réutilisera les mêmes matériaux et les mêmes. Il redessinera les mêmes moulures que le. Et puis, il pourra le reconfectionner. C'est un sacré défi, là. C'est un beau défi. Et c'est à financer. À un coût, bien évidemment. Et la DRAC, elle ne vous aide pas du tout? Alors là, non. Non, pour ça, non. Ah, ouais, là. Ce n'est pas des subventions prévues à cet effet. Et il y en a par curiosité, il y en a pour combien? Parce qu'on va parler d'argent quand même. Oui, 3 000 euros. Pour refaire le bénitier? À l'identique. Je l'ai fait chiffrer, oui, 3 000 euros. Et donc il faut qu'on trouve des fonds. Avis la population. Les entreprises privées du coin, ça ne les intéresse pas de. J'ai déjà fait appel. J'avais fait appel autrefois pour la fresque. Donc le Rotary Club nous avait bien aidé. Mais pour ces petites choses-là, non. C'est dommage. Ouais, voilà, les temps sont durs. Ça semble peut-être secondaire. Peut-être. Contrairement à une fresque. Un bénitier, bon. Ouais, mais elle fait partie de l'église aussi. Donc, tout à fait, non, je suis d'accord. C'est obligé de suivre, surtout que, mais voilà. Aux yeux du financeur. Ouais, je suis d'accord. Peut-être, ouais. Et le diocèse? Il n'y a plus de sous, non? Non. Non, non, non. C'est dommage. Ils sont contents. Ils sont contents qu'on entretienne l'édifice, quoi. Oui, ils sont contents, mais. Continuez. Il va falloir refaire des concerts. Continuer. Donc non, on se donne du temps, mais on n'est pas, on désespère pas. Hein. Jusque là, on a toujours réussi à faire ce qu'on voulait faire. Oui, vous faites petit à petit. Oui, petit à petit, on se donne pas de pression. Le plus gros, c'est surtout l'entretien. C'est pas la réfection, c'est surtout continuer d'entretenir. Oui. Parce que si vous refaites tout à neuf, mais autour, ça suit pas. Il faut l'entretenir, il faut l'ouvrir, il faut il faut qu'elle vive. Oui, voilà, surtout. Il faut qu'elle soit connue, vivante. Grâce à ça, alors il faut savoir que justement, comme j'expliquais à Malvin. L'association, j'ai fait en sorte qu'elle soit reconnue d'intérêt général. Oui. Ce qui fait que je peux émettre des reçus de dons. De dons, oui. Voilà. Donc ça peut. Alors parfois, c'est vrai que j'ai des gens qui justement sont contents de contribuer parce que, comme ils disent, si on doit payer des impôts, tant qu'à faire, on préfère aider une petite association bien comme sûr. La vôtre. Et puis nous, ça nous fait plaisir parce que on a œuvré pour une bonne cause. Et puis ravis. Alors comme je leur dis souvent, vous serez inscrits sur le livre d'or qu'on a dans l'église. Et puis sachez que. À travers votre don, vous pouvez vous dire que vous avez un petit morceau de vous qui est dans. Dans vous posez, sans faire de jeu de mots, vous posez une pierre à l'édifice. C'est ça. Voilà. C'est ça. Magnifique. C'est magnifique. Je m'aime. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est très beau comme projet. C'est très, très beau. Bien. Merci, Nathalie. C'est moi qui vous remercie. Merci. L'invitation. On va faire une petite pause et puis on va revenir sur cette magnifique association et puis on va refaire un petit condensé de ce que vous faites. D'accord? D'accord. Allez, c'est parfait. 20-20. Ah ben moi je retrouve avec les habitués encore, Katia. Toujours fidèle à vous, bonne émission à vous. Avez-vous un petit... Ah non, pas de musique, hein, chef il a dit. Non, on ne peut pas passer, non, on n'a pas le temps. Donc ça sera pour plus tard. Mercredi, Katia, il faut venir mercredi. Voilà. Oui. Isabelle, un bon dimanche à tous, devant le poste, en plein ménage avec vous. Oh, bah, bon courage. Eh ben, allez à l'église, justement. Ils ont besoin d'un coup de main pour le ménage. Voilà, Nathalie, excellente émission à toute l'équipe. Merci bien, Nathalie. Encore une natte. Bon dimanche, les amis. Je fais un coucou à ma famille qui vous écoute aussi en plein repas de famille. Bon appétit. Bon, il est 16h. Hein, 4h30, on a goûté. Hein. Oui, c'est vrai. Des fois, ça dure longtemps le dimanche. Hein. Et enfin, Romain, toujours un plaisir d'écouter cette radio et mes amateurs habituels. Vous êtes top. Merci, Romain. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Ça prouve qu'il y a du monde qui écoute. Qui écoute. C'est sympa. Allez, on va repartir un petit coup en musique, douce. Et après, on se retrouve pour la fin, pour clôturer l'émission. toutes nos infos sur notre page Facebook, site internet et Twitter. Et nous sommes en direct également sur Facebook. Donc si vous souhaitez voir les photos, voir les liens, ils sont en direct. À toi, Malvin. À moi donc, du coup. Hein. Du coup. Eh bien oui, du coup, hein, en fait, voilà. Moi, quoi, je. Moi, je. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était des souvenirs, tout souvenirs, ça. Souvenirs. Bien, nous, aujourd'hui, nous étions avec notre invitée Nathalie Dano, donc, qui est présidente de la fabrique de l'église Saint-Martin de Meurs. Elle nous a raconté son histoire. Hein, son histoire depuis 2012, où bien, elle a redécouvert, découvert. La découverte. Ouais, découverte de fresques. Nathalie, je vais te laisser. Nous faire un petit résumé justement de cette histoire de des deux heures combien ouais deux heures deux et demie qu'on a passé ensemble. Ça va aller? Un résumé pas un résumé je fais-moi pense. Un petit résumé voilà donc commencer après bonjour 2012 découverte 2013 restauration par les restauratrices et création 1er février 2013 de la fabrique mmh. 2014, l'inscription, le 6 juin 2014, inscription au monument historique. Des murs de l'église. Des murs de l'église. Uniquement, à préciser. Oui, oui, uniquement. et puis après, bah, une continuité d'ouverture, de reprise d'office. L'église qui revit. Exactement, l'église revit grâce à cette fresque qui a ouvert une porte pour pouvoir découvrir d'autres peintures, du mobilier, un autel, des statues. Une cloche. Une cloche, des peintures, enfin un tableau, des vitraux aussi, bien entendu. Une histoire, parce qu'il y a une histoire derrière cette église. Qui est chargé, qui est reconnu par un seigneur de l'époque, des enjeux à venir, des petits défis tels qu'on l'évoquait, le bénitier du quelle époque 16e siècle à restaurer, à reconstituer, et puis quels sont les projets à venir? Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont prévues? Parce que vous faites, donc pour résumer, vous faites des manifestations dans cette église, des concerts, mais vous avez aussi, comme on l'évoquait, le marché de Noël qui, lui, se fait dans la salle communale. Oui. Parce que c'est en hiver, il fait froid dans les églises. Hein, oui. Oui. On voulait faire Noël le 14 juillet, mais ça ne marche pas bien. Non, un peu compliqué. Est-ce que vous avez des projets, des manifestations à venir sur 2026? Alors là, pour l'instant, on n'a encore pas nom de manifeste. Peut-être la troisième édition de. Alors peut-être oui, encore le rallye des Vallons, mais à voir après les élections, parce qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient maires ou adjoints des communes, donc à voir comment ça évolue. Rallye des Vallons, hein, c'est ça. Le rallye des Vallons. Ouais. Qui avait très très bien marché les deux années passées. Ouais. Donc le principe, c'était la mise en avant des différentes églises. Bah, si on veut, on mettre en valeur les patrimoines méconnus et justement, par le biais de questions, obliger les gens à y rentrer, y entrer ou à aller découvrir les choses. Parce que souvent, les gens, ils passent devant voilà. On les voit, mais on les regarde plus. C'est ça. Ouais. Donc c'était l'intérêt, justement, et ça a énormément plu. Alors, j'aimerais rajouter, moi, que le 13 février, donc ça sera l'AG, justement, de l'association. Mm-hmm. Donc, toute personne qui voudrait devenir adhérent à l'association se manifeste, viennent justement nous rencontrer dans la salle communale à Meurs. Ça sera à quelle heure? 19h. 19h, vendredi 13 février, à la salle communale de Meurs Verdet. Voilà. Oui. Donc rendez-vous pour cet AG. Oui. Donc on peut vous aider, bien entendu, financièrement. Ça serait les bienvenus. Tout à fait. S'il y a des donateurs, ils sont les bienvenus pour faire revivre ce patrimoine qui a une histoire, bien sûr, et qui mérite d'être découvert. On peut la visiter, on le redit encore une fois, on peut la visiter, donc on se rapproche le mieux, c'est vers l'Office du tourisme de Cézanne, c'est le plus pratique. Oui, mais je vous dis, sur le site, on trouve mes coordonnées. Sur le site, après, voilà, il y a le site internet. On trouve mes coordonnées. Ou devant l'église. On peut m'envoyer des mails, voilà, moi, aucun problème. Bien. Je crois qu'on a tout dit. Ben, je pense. Il y aurait tellement de choses à dire, mais on on n'aurait pas assez de. Il y a tellement de choses à dire qu'il suffit de venir vous voir et de visiter l'église. C'est ça, parce qu'il y a plein d'autres choses dont je n'ai pas parlé. Il faut bien garder une part du mystère. Bien sûr. Et justement, inciter les gens à venir. Mais oui. Voir. Très, très belle église qu'il faut aller visiter et découvrir. Nathalie, merci infiniment. On va devoir se quitter d'ici 6-7 minutes à peu près. Oui, on va devoir rendre l'antenne. Merci beaucoup. On vous souhaite un franc succès pour cette... on est à quoi? Ça fait combien? 12, 13 ans? 13 ans maintenant que ça existe? 12 ans? 13 ans? On est dans la 13e année. 13 ans. Voilà, 13 ans. Au 1er février, ça fera 13 ans. J'espère que le chiffre 13 vous portera bonheur. Qui sait? On l'a créé en 2013, on est toujours là. Voilà, ça fait 13 ans et l'AG, c'est vendredi 13. C'est ça. Moi, je dis que 2026... Ça devrait être sympa. Je pense. Bon, moi, je reste toujours optimiste. Voilà. Et puis tout ce qui ça a attendu tous ces siècles, on n'est pas pressé, je veux dire. On va y aller progressivement. On n'est pas un an près. C'est clair. Voilà. Par contre, c'est vrai que quand on a un projet, on s'y tient jusqu'au bout. Bien. Parce que c'est important. Sauver son patrimoine, c'est très important. Et vous allez peut-être découvrir d'autres choses. Qui sait? Qui sait? Un trésor. Je ne sais pas. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation et puis avoir mis en valeur justement l'église de Meur. Sachant quand même que malgré tout, on a une deuxième église qui est à Verdé. Et actuellement, il y a une campagne justement de sauvetage avec la fondation du patrimoine. L'église Saint-Quentin de Verdé. Vous allez aller là-bas pour gratter et trouver... Alors, Ils en ont découvert une fresque dans l'église de Verdé. C'est une Pietà. Donc, il y a quelques peintures aussi que j'ai grattées, mais sommairement. Hein. La plus grosse partie a été faite par des habitants de Verdé. Mais voilà, c'est une église qui mérite aussi le détour. Mais malheureusement, elle a souffert les affres du temps. Un incendie suite à un foudroiement. Et elle a besoin d'être sauvée. C'est un patrimoine, donc des gros travaux de toiture sont principalement et comme beaucoup d'édifices. Comme beaucoup d'édifices sur le territoire. C'est vrai que on a toujours eu la chance à Meur, c'est que les différents conseils ou même d'époque, se sont toujours tenus à réparer la toiture, parce que de tous les siècles, on retrouve quand même quelques petits documents dans les registres de mairie, où ils mettent, ça fuit dans l'église, il faut faire quelque chose, et puis ça a toujours été fait, et heureusement pour ça, ça permet d'avoir au moins une église sur les deux qui puisse être ouverte pour les offices. Bien sûr. Voilà. Et pour conserver la mémoire. Très important. Vous pouvez retrouver la fabrique de l'église Saint-Martin de Meur, qui est donc présidée par notre invitée du jour, Nathalie Dano. Donc vous pouvez la retrouver sur son site internet. Il suffit, le plus pratique, vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez la fabrique de l'église Saint-Martin de Meur, vous allez avoir le site internet avec toutes les informations, le avant, le après, ce que vous pourrez découvrir. Et vous pouvez rentrer en contact pour faire une visite. Oui, pour organiser une visite, il suffit d'aller dans Contact, comme tous les sites qui s'y prêtent. Il est là, hop, Contact, et vous contactez bien entendu la personne qui vous fera la visite. Et c'est toi, Nathalie, qui fait la visite. Oui. Bah oui. Il n'y en a pas d'autres, t'es unique sur ce coup-là. Voilà. Bien, merci encore, Nathalie. Et puis, le mot de la fin, ça doit être pour toi, chef. Bien sûr. Merci Malvin et Vavin pour la production de cette émission. Merci Nathalie d'être venue dans nos locaux. J'ai passé un très bon moment, c'était très intéressant. Voilà, c'est pour parler aussi un peu d'histoire. C'est très important. Ça fait partie, oui. Ça fait partie de l'histoire. C'est ça. Oui. Et je vous dis à dimanche prochain pour une émission simple, standard, musicale. Et si vous avez raté cette émission ou si vous venez de la rattraper en vol, vous pouvez la retrouver directement dans les podcasts. La première partie est déjà en ligne. Allez, je vous souhaite un excellent dimanche soir. Demain matin, lancement de la nouvelle matinale avec Arnaud Digny. Mais je vous rassure, on n'est pas très loin, bien sûr. J'ai été viré. Mardi. Eh oui, c'est mardi, le virage. C'est le virage. C'est mardi. Vavin, on te retrouve mercredi. Oui, à 20h. Voilà, donc couper le poste mercredi à 20h. On n'a pas un truc demain soir aussi? Non. Pas encore. Ah, c'est retardé. D'accord. Ça okay. va venir. D'accord, d'accord. Tu te calmes. Oui, non, mais j'avais entendu que ça démarrait. Tu te calmes. Ouais, tu te calmes. Trop vite. Et vous allez retrouver donc dans une heure Bob Scherer avec Groovy Sound. Ce soir, le duo Cristobal et Titi avec Backspin à 19h30. Et après, vos émissions de la nuit qui vous accompagnent jusqu'à demain matin, jusqu'au Chant du Coq à 5h. Allez, excellent dimanche. On se quitte avec Executing Funk avec Stop, I'm Going Crazy. Et bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Merci. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. My mouth gets dry.